بسم الله الرحمن الرحيم. طيب دعنا نفوق نبقي لابوم مسألة التي هي بارابور اسم الشعراء ذلك الكتاب. اليوم إن شاء الله نأخذ المسألة الثانية deuxième point évoqué par le chien dans son livre. في قول الله عز وجل لا ريب فيه لا ريب فيه يعني avec le début du verset ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. لا ريب il n'y a aucun doute. ريب معنى doute. وفيه يرجع للكتاب. Après qu'il ait cité une mas'ala nahouya qu'on ne va pas évoquer ici, il dit فَالْآيَةُ نَصٌ فِي النَّفِي كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الرَّيْبِ عَنْ هَذَا الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. Que ce verset est un texte qui démontre clairement qu'il n'y a aucun doute parmi toutes formes de doutes pouvant exister dans ce Coran al-Azim. Donc ça c'est l'apparent du texte et qui est la réalité. C'est son apparent et c'est sa réalité. Maintenant il va citer la chose que certaines personnes pourraient se poser comme question. قال وَقَدْ جَاءَ فِي آيَةٍ أُخَرَ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُودِ الرَّيْبِ فِيهِ لِبَعْضِ مِنَ النَّاسِ. Maintenant qu'il y a d'autres versets qui démontrent qu'il existe une forme de doute présent pour certaines personnes. Dans le Coran, que Allah évoque des versets dans lesquels il dit que certaines personnes auront des doutes. قال كالكفار الشاكين كقوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. Parmi les kuffars, parmi ceux qui doutent. Comme ça parle dans le sens où il dit et si jamais vous doutez de ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur. Sourate al-Baqara, verset 23. Donc là, le doute est évoqué. Contrairement au premier verset qu'on a cité. كقوله وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. Que leurs cœurs sont emplis de doutes et qu'ils ne cessent d'hésiter dans leur incertitude. Sourate al-Tawbah, verset 45. وقوله بل هم في شك يلعبون. Mais plutôt ils sont dans le doute et ils jouent. Ad-Dukhan, la fumée, verset 9. Donc ces versets-là qu'on vient de citer laissent entendre qu'il y a une forme de doute qui existe, d'accord? Alors que le premier verset, il n'y a aucun doute. Al-Awajil Umum, aucun doute dans ce livre à avoir. Donc comment on lit entre les deux? Entre les deux compréhensions. قال ووجه الجم في ذلك أن القرآن بالغ من وضوح الأدلة وظهور المعجزة ما ينفي تطرق أي ريب إليه. Que le Coran est clair et limpide, d'accord, dont les adillets sont clairs également, et qui fait apparaître les miracles, qui eux excluent toute forme de doute qui puisse exister à son sujet. وريب الكفار فيه انما هو لعمى بصائرهم كما بينه بقوله تعالى افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى. Donc maintenant le doute des kuffars, des mécréants, c'est du fait que leur vision a été rendue, yani qu'ils ont été rendus aveugles. Leur vision, ils ne voient plus rien, ils ont été rendus aveugles. Ils n'ont plus de clairvoyance. Comme Allah dans le Coran, il l'a clarifié en disant, dans le sens, est-ce que celui qui sait que cela a été descendu de ton Seigneur et la vérité est comme celui qui est aveugle? Surat Ar-Ra'd, le tonnerre, verset 19. فَصَرَّحَ بِأَنَّ مَنْ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ الْحَقِّ إِنْ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا جَاءَهُ مِنْ قِبِلْ عَمَاهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ عَدَمْ رُؤْيَةِ الْأَعْمَى لِلشَّمْسِ لَا يُنَفِي كَوْنَهَا لَا رَيْبَ فِيهَا لِظُهُورِهَا. Donc il dit que Allah a bien dit que celui qui ne connaît pas la vérité, c'est-à-dire qui provient de ton Seigneur, cela n'est que du fait que cette compréhension lui a été privée à cause de son aveuglement, du fait qu'il est aveugle. Et là il parle de l'aveuglement du cœur. Et il dit, il est connu que le fait, mathalen, qu'un vrai aveugle, c'est-à-dire un non-voyant qui ne voit pas le soleil. Est-ce que cela veut dire que le soleil n'est pas présent sans aucun doute pour tout le monde à la base? Et bien cela est comparable à cela. Un aveugle, un non-voyant réel, il ne voit pas le shams, le soleil. Donc lui va dire, le soleil, je ne le vois pas. Je ne vois pas, je suis dans l'obscurité, je ne vois rien. Parce que cela veut dire qu'il n'y a pas le soleil. Le soleil, il est là et le soleil, il est clair pour celui qui le voit. Donc c'est une chose qui est relative. Après avoir cité un vers de poésie, وأجاب بعض العلماء بأن قوله لا ريب فيه خبر أريد به الإنشاء أي لا ترتابوا فيه وعليه فلا إشكال. Que certains savants ont dit quoi? لا ريب فيه, que c'est une forme au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est une forme de khabar, d'information, d'accord, une information par laquelle le sens évolue, c'est un ordre, c'est-à-dire ne doutez pas de cela, c'est le livre auquel vous ne devez pas douter. Car dans le Coran, souvent, cela est venu. Un verset sous forme de khabar, d'information. Le khabar, c'est quoi? Une chose qu'on peut affirmer ou démentir. On parle en dehors du Coran, bien évidemment. Et ceux qui veulent savoir la mas'ala plus en profondeur, qui reviennent au doulous de Usul al-Fiqh, qu'on a pris dans Usul min'im al-Usul de Cheikh Al-Saymin, Usul expliqué. Que des fois, des informations ou des textes viennent sous forme d'informations, comme si on t'informe d'une chose, et en réalité, ce qui est voulu par là, c'est un ordre. Kafikullah Azza wa Jal, wa mutalaqatu yatarabbasna bi anfusina salasta quru. Que les femmes divorcées, d'accord, en apparent, elles restent en période de vaduité durant trois périodes de purification. L'apparence, c'est quoi? C'est comme si Allah Azza wa Jal nous informait qu'elles font cela. Et en réalité, c'est un ordre qui leur donne que ces femmes divorcées doivent observer une période de trois menstrues à la col ou de trois purifications. Donc là, c'est un verset dont l'apparent est le khabar et dont le sens évolue, c'est l'inisha, c'est-à-dire un ordre. Donc il dit qu'il n'y a pas de problème par rapport à ce verset-là. Et de là, il a pu répondre à ce qui pourrait traverser l'esprit de certaines personnes en lisant le Coran qui disent « Je ne comprends pas que là, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il n'y a pas de doute dans ce livre. » Dans le verset, ils disent qu'il y a des doutes pour les koufars. Donc ce doute, il est présent pour des personnes en particulier. Il y a un tarsis par rapport à eux. Ce sont les koufars ou les gens au cœur malade. Naam. Fabiad al-Qadnaqtafi, subhanaka wa bihamdik, la ilaha ilanta, staghfiruka wa atubu ilayk.